Deuxième des choses qui est venue de Homma, il était résistant au polythéisme. Et là, ça c'est une chose déterminante. C'est-à-dire, pour nous, au cœur de l'Europe, au cœur de nos sociétés de consommation, des sociétés qui produisent énormément d'avoir, de résister au monothéisme. C'est-à-dire que quand on te voit, avec tout le travail que tu fais intérieur et de maîtrise, que tu sois le témoin de la lutte contre tous les polythéismes. Alors évidemment, il y a le polythéisme de l'adoration, des idoles, des statues, tout ce qu'on sait, le polythéisme ancien, mais il y a le nouveau polythéisme. Le polythéisme qui consiste à adorer l'argent, à adorer la réputation, à adorer le pouvoir, à adorer les belles voitures, à adorer les beaux vêtements, à s'adorer, à bien s'aimer. Le polythéisme caché, tu dois être dans cette société le témoin de la libération au nom de Dieu. Tu es pour Dieu et tu te libères de tous ces polythéismes qui sont des polythéismes pervers parce que subtils. Tu dis « La ilaha illallah » mais t'aimes bien ton porte-monnaie. Tu dis « La ilaha illallah » mais t'aimes bien les belles voitures. Tu dis « La ilaha illallah » mais t'es totalement obsédé par l'apparence. Combien il y en a qui dans leur manière d'être vous sentez la contradiction, ils te disent là, il a, alors je crois en Dieu, et vous sentez qu'il y a une chose très très importante, c'est qu'ils sont très dépendants du regard que les autres portent à leur esthétique. Se libérer jusqu'à là, être le témoin, on doit être propre, on doit être digne, mais jamais obsédé par son esthétique, jamais obsédé par son porte-monnaie, jamais obsédé par le pouvoir,